Voici votre bulletin régional. Avant le 15 avril, il est temps, pour les étudiants, de postuler pour un emploi d'été à la ville de Hastings. 30 jours, travaux publics, sauveteur. Talent show le 15 avril à 19h à la polyvalente Louis-Saint-Laurent. Déjeuner-conférence d'une durée de 2h le 15 avril à 8h au manoir de l'Eau Vive à Cookshire. Thème de la conférence donnée par Isabelle Ducharme. Comment rendre l'évaluation du rendement plus productive et mobilisante? On s'inscrit auprès de Nancy Grenier de la Chambre de commerce du Haut-Saint-François au 819-832-4950 info@chambre-de-commerce-hsf.com. Tarif 15 $ pour les membres et 20 $ pour les non-membres. Initiez-vous au yoga et développez des outils thérapeutiques pour atteindre un bien-être physique et mental. Par les postures, les techniques de respiration et la détente, permettez à votre corps de se débarrasser des effets néfastes du stress et retrouver l'équilibre. Tout niveau. Début du cours, lundi le 4 mai à 19h. Durée 8 semaines, coût 80 $. Ça se déroule à la salle Aurélien Rivard du centre multifonctionnel d'Ascot Corner. Les chèques doivent être faits au nom de la municipalité d'Ascot Corner et devront être reçus au plus tard le 16 avril. Pour information, 819-560-8560 Poste 2631. Le souper de Pâques de la Fraternité de l'Âge d'or de Saint-Isidore de Clifton se tient le 16 avril à la place Auckland. Pour information, Léonie Labbé au 819-658-2179. Grande fête Femmes vers le haut le 18 avril de 10 à 15 heures à La Patrie avec cocktail, dîner sur place, activités et des surprises. Inscription et information à 819-832-1513 ou à 819-564-0202, poste 224. On confirme sa présence avant le 16 avril. Le 25 avril, au bureau de la MRC, 85 rue du Parc à Cookshire, se donne une formation d'animation des 0 à 5 ans pour les 13 ans et plus qui souhaiteraient être embauchés pour animer les tout-petits lors des événements communautaires. On doit s'inscrire avant le 17 avril auprès d'Animation Jeunesse au 819-943-4571 ou par courriel à ajeunesse.hsf@live.ca.